Cara de Hector Malo. Troisième partie. Chapitre 1. Le théâtre de l'opéra annonçait Hamlet pour les débuts de Mademoiselle Harold dans le rôle d'Ophélie. C'était la première fois que Paris entendait ce nom, qui, disaient les journaux de théâtre, était celui d'une jeune chanteuse française d'origine, mais dont la réputation s'était faite en Italie à la Scala, à la Fenice, à la Pergola. Quelques articles avaient parlé des succès qu'elle avait obtenus sur ces scènes. Mais Paris a autre chose à faire que de s'occuper de ce qui se passe à l'étranger, et toute réputation qu'il n'a pas consacrée, il s'imagine qu'il a ce droit, n'existe pas pour lui. Faite simplement, modestement et sans réclame tapageuse, l'annonce de ce début n'avait pas produit une bien vive curiosité dans le public. Aussi, lorsque le rideau se leva, la salle n'était-elle pas celle d'une représentation extraordinaire. Trois ou quatre critiques tout au plus avaient daigné se déranger, parce qu'on leur avait fait un service, et surtout parce qu'ils n'avaient pas à employer mieux leur soirée ailleurs. Il y avait des trous dans les loges, et plus d'un fauteuil d'orchestre était vide. Au milieu du premier tableau, Biasson vint occuper un de ses fauteuils. Il n'y avait pas de première représentation ce soir-là, et ne sachant que faire, il était venu à l'opéra plutôt pour ne pas se coucher trop tôt que pour voir Mademoiselle Harold, qu'il ne connaissait pas et dont il n'avait pas souci. Ce n'était pas une de ces débutantes qui, par le bruit dont elles ont soin de s'entourer, forcent l'attention. Hamlet, en scène, exhalait ses plaintes sur l'inconstance et la fragilité des femmes. Biasson essuya les verres de sa lorgnette et se mit à examiner la salle, allant de loge en loge. Il était absorbé dans cet examen et il tournait le dos à la scène, lorsque brusquement il changea de position et braqua sa lorgnette sur le théâtre. Une voix qu'il avait déjà entendue venait de réciter les premiers mots du rôle d'Ophélie. « Hélas, votre âme, en proie à d'éternels regrets, condamne votre joie. Et le roi, m'a-t-on dit, a reçu vos adieux. » Ce n'était pas seulement cette voix qu'il avait déjà entendue. Celle qui chantait, il l'avait déjà vue aussi. Madeleine. Et n'écoutant plus, il regarda. Mais l'éclairage de la rampe change les traits. D'autre part, le blanc, le rouge et tous les ajustements de théâtre substituent si bien le faux au vrai qu'il resta assez longtemps la lorgnette braquée sans savoir à quoi s'en tenir. Il avait si souvent pensé à Madeleine qu'il devait être en ce moment le jouet d'une illusion. Il voyait Madeleine parce que Madeleine occupait son esprit. Cependant, la ressemblance était véritablement merveilleuse. C'était elle. C'était sa tête ovale, son nez droit, ses yeux bleus, ses cheveux blonds, sa figure douce et pensive. Mais n'était-ce point Ophélie qui précisément ressemblait à Madeleine? Quoi d'étonnant à cela? Le type de la beauté de Madeleine n'était-il pas celui de la beauté blonde, vaporeuse et poétique? Le duo avec Hamlet venait de s'achever. Et les applaudissements éclataient dans toute la salle, s'adressant non seulement à Hamlet, mais encore, mais surtout, à Ophélie. En quelques minutes, le public, indifférent pour elle, avait été gagné et charmé. Biasson avait été trop occupé à regarder Mademoiselle Harold pour avoir pu la bien écouter. Cependant, il lui avait semblé que sa voix était belle et puissante. Elle remplissait sans effort la vaste salle de l'opéra. Et la voix de Madeleine, au temps où il l'avait entendue, était loin d'avoir cette étendue et cette sûreté. Il est vrai que depuis cette époque, c'est-à-dire depuis plus de 3 ans, cette voix avait pu se développer par le travail. Mais où Madeleine, si c'était Madeleine, avait-elle pu travailler? On disait que cette jeune chanteuse arrivait d'Italie. Après avoir quitté la maison de son oncle, c'était donc en Italie que Madeleine avait été. Cela expliquait que les recherches entreprises à Paris et à Rouen pour la retrouver n'eussent pas abouti. C'était donc la passion du théâtre qui l'avait fait abandonner la maison de son oncle. Alors tout s'expliquait. Jamais M. et Mme Aupois d'Aguillon n'eussent permis à leur nièce de se faire comédienne. En se sauvant, elle avait obéi à une irrésistible vocation. Et Billasson, qui avait toujours eu pour elle une affection très vive et très tendre, fut heureux de trouver cette raison pour justifier cette fuite et aussi son silence depuis lors. Il avait toujours soutenu qu'elle disait vrai dans sa lettre d'adieu, en parlant du devoir qu'elle voulait accomplir. Il était fier de voir qu'il ne s'était pas trompé dans la bonne opinion qu'il avait d'elle. C'était pendant la cavatine de la Herthe et le cœur des officiers qu'il réfléchissait ainsi. Aussitôt qu'il put quitter sa place sans troubler ses voisins, il se hâta de sortir. Il ne pouvait pas rester dans l'incertitude plus longtemps. Il fallait qu'il sût. Et il se dirigea vers l'entrée des artistes. Mais après avoir fait quelques pas, il s'arrêta, retenu par une réflexion qui venait de traverser son esprit. Pour que Madeleine sauvât Léon, il fallait qu'elle fût toujours Madeleine, la Madeleine d'autrefois. Qui pouvait dire ce qui s'était passé? Qu'était devenue l'honnête et pure jeune fille, après 3 années de vie théâtrale, seule, sans affection, sans appui autour d'elle? Avant de voir Madeleine, avant de tenter une démarche auprès d'elle, il importait donc de savoir quelle femme il trouverait. Il revint sur ses pas, décidé à rentrer dans la salle et chercher quelqu'un, un journaliste ou un homme de théâtre, qui pût lui donner ses renseignements. Comme il traversait le vestibule, il aperçut justement un jeune musicien qui, faisant partie de l'administration de l'opéra, devait être en situation, mieux que personne, de l'éclairer. Il alla à lui. « Eh bien, dit celui-ci avec une figure joyeuse, comment trouvez-vous notre nouvelle chanteuse ?»« Charmante. » »« C'est le mot qui est dans toutes les bouches. Pour mon compte, je n'ai jamais douté de son succès, mais j'avoue qu'il dépasse ce que j'avais espéré. Ce que c'est que la beauté et le charme. Voici une jeune femme qui certainement a une excellente voix dont elle sait se servir. Croyez-vous qu'elle eût fait la conquête du public avec cette rapidité, s'il n'avait pas eu ses beaux yeux doux? Elle vient d'Italie ? Demanda Billasson en passant son bras sous celui de son jeune ami et en l'accaparant. Oui, mais c'est une Française, d'Orléans, je crois. Elle est élève de Lozès, ce qui est bien étonnant, car l'animal n'a jamais formé une femme de talent. Mais elle a travaillé aussi en Italie, où elle a débuté avec assez de succès pour qu'on m'ait envoyé la chercher. Elle a pour cornac un vieux sapajou d'Italien appelé Siazega, qui est bien l'être le plus insupportable de la création. Avare, mendiant, pleurard. Elle vit avec lui. Billasson ne put retenir un mouvement qui fit trembler son bras. Oh, en tout bien tout honneur, si vous connaissiez le Siadziga, l'idée que vous avez eue ne vous serait pas venue. J'ai voulu dire qu'elle vivait chez lui, sous sa garde. Et je vous assure qu'elle est bien gardée, car elle est et elle sera la fortune de ce vieux schnappan qu'il exploite. Au reste, elle se tient bien, et l'on voit tout de suite qu'elle a été élevée. Je n'ai pas entendu la moindre médisance sur son compte. Et cela prouve, bien évidemment, qu'il n'y a rien à dire, car sa vie a été passée au crible, soyez-en sûrs. Mais rentrons, le deuxième acte va commencer, et vous savez qu'elle paraît tout de suite. Je vous recommande son air. Adieu, ayez foi. » Billasson ne se laissa pas dérouter par le mot Orléans. Se tenant bien, élevé, honnête, c'était Madeleine. Ce ne pouvait être qu'elle. Orléans ne devait être qu'une tromperie pour dérouter les recherches. Il n'était pas plus vrai que ne l'était le nom de Harold. Ah, la chère et charmante fille! Elle était restée la Madeleine d'autrefois. Elle pouvait donc sauver Léon et l'arracher des mains de Cara. Cette pensée empêcha Billasson de bien écouter l'air d'Ophélie. Mais les applaudissements lui apprirent comment il avait été chanté. C'était un triomphe. À l'entracte suivant, Billasson ne résista plus à l'envie d'aller voir Madeleine. Car c'était bien, ce ne pouvait être que Madeleine. Sans doute, le moment n'était guère favorable à une visite, et la pauvre petite devait être toute à l'émotion de son début. Mais il ne lui dirait qu'un mot. La façon dont il a franchi sa carte lui fit trouver quelqu'un pour l'apporter sans retard. Il n'attendit pas longtemps la réponse. Un petit homme gros, gras, souriant, suant, soufflant, demanda d'une voix haletante où était M. Billasson. Celui-ci s'avança, croyant qu'on allait le conduire près de Madeleine. « C'est donc vous qui désirez voir la signora ?» dit le petit homme. « C'est une impossibilité en ce moment. Nous n'avons pas une minute. Vous comprenez, pas une minute. Désolation. Je suis chargé de vous le dire de la part de la signora. Mais demain, elle vous recevra avec satisfaction. Rue Châteaudun, numéro 48, si vous les voulez bien. Excusez, je suis obligé de vous quitter. Vous savez, le jour d'un début, pas une minute à soi. » C'était là, assurément, le vieux sapajou nommé Siadziga, dont on avait parlé à Billasson, l'entrepreneur de Madeleine. Il s'éloigna rapidement, courant, soufflant. S'il avait débuté lui-même, il n'aurait certes pas été plus affairé, plus ému. Mais en réalité, n'était-ce pas pour lui que Madeleine débutait ? Chapitre 2. Le lendemain matin, après avoir lu 3 ou 4 journaux qui tous étaient unanimes pour constater le grand, l'éclatant succès obtenu la veille à l'opéra par Mademoiselle Harold dans le rôle d'Ophélie, Billasson se rendit rue Royale pour voir M. et Mme Aupois d'Aguillon. Dans ses vêtements de deuil, Mme Aupois d'Aguillon était déjà au travail et penchée sur ses livres, et M. Aupois, qui venait d'arriver, parcourait les journaux du matin. « J'ai du nouveau à vous annoncer, » dit-il à ses amis en leur serrant la main joyeusement. « Nous aussi, » dit M. Aupois, « nous avons reçu une bonne nouvelle. » Et j'allais aller chez vous tout à l'heure pour vous la communiquer. L'homme que nous avons chargé de surveiller Cara est venu nous apprendre hier soir qu'il avait la certitude que Léon était trompé. Il paraît que cette coquine n'a pu jouer son rôle plus longtemps. Après s'être imposé la sagesse pour arriver à ses fins, elle a trouvé que le carême était trop long et elle est retournée à son carnaval. Elle va une fois par semaine chez Salzondo et ce n'est pas probablement pour friser les perruques de celui-ci. De plus, elle s'est engouée d'un caprice pour Otto, le gymnaste du cirque. Elle a si pleine confiance dans la solidité du bandeau qu'elle a mis sur les yeux de Léon que c'est à peine si elle prend des précautions pour lui cacher cette double intrigue. « De qui est cette réflexion ?» demanda Billasson. « De vous ou de votre homme ?»« De notre homme. Celui-ci n'a pas encore entre les mains des preuves matérielles de ce qu'il a découvert, mais il espère les avoir bientôt. Et alors nous serons sauvés. » Lorsque Léon aura ses preuves sous les yeux, lorsqu'il aura vu, ce qui s'appelle vu, de ses propres yeux vus, il connaîtra cette femme et comprendra comment il a été abusé, entraîné, comment on le trompe, l'on se moque de lui, et il n'hésitera pas à se réunir à nous pour demander à la cour la confirmation du jugement qui déclare nul son prétendu mariage. De même, il se réunira à nous encore pour poursuivre à Rome l'annulation du mariage religieux. Vous voyez bien que j'ai eu raison de toujours soutenir que ce moyen était le seul bon pour réussir. Est-ce qu'une femme pareille ne devait pas un jour ou l'autre retourner à son ruisseau ? Cela était logique, cela était fatal. Il n'y avait qu'à attendre ce jour. Je n'ai jamais prétendu que Cara ne retournerait pas à son ruisseau, répliqua Billasson. J'aurais plutôt cru qu'elle n'en sortirait pas. Ce que vous m'apprenez ne me surprend pas. Si cela ne vous surprend pas, d'autre part, cela ne paraît pas vous causer la même satisfaction qu'à nous. C'est que je ne puis pas partager vos espérances. Mon cher, vous avez toujours été trop pessimiste, dit M. Aupois avec humeur. Et vous, mon cher, vous avez toujours été trop optimiste. Les situations n'étaient pas les mêmes, dit Mme Aupois d'Aguillon. Cela est parfaitement juste, répondit Billasson. Et si je rappelle que j'ai cru ce mariage possible et même imminent quand vous ne vouliez pas l'admettre, c'est seulement pour dire que je ne me suis pas toujours trompé. Eh bien, dans le cas présent, je crois que je ne me trompe pas encore en disant que ces preuves matérielles qu'on vous promet, on ne les obtiendra probablement pas, attendu que Kara ne sera pas assez maladroite pour donner des preuves contre elle, ce qui s'appelle des preuves vraies, et que si elle a des amants, ce que je suis disposé à croire, c'est dans des conditions où elle peut nier toutes les accusations, de façon à abuser Léon, la seule chose importante pour elle. Eussiez-vous ces preuves, je ne crois pas encore qu'elle convainquisse Léon, qui est trop complètement aveuglé pour voir clair en plein midi, si vous lui mettez ses preuves sous les yeux sans certaine préparation. Enfin, je ne crois pas qu'il se réunisse à vous pour demander devant la cour la nullité de son mariage, pas plus que celle de son mariage religieux. Pour son mariage civil, cela n'a pas d'importance. La cour prononcera cette nullité, avec ou contre lui, comme le tribunal de première instance l'a prononcé. Mais pour le mariage religieux, la situation est bien différente. Jamais la cour de Rome ne prononcera cette nullité si Léon lui-même ne la demande pas. Et s'il la demande, il n'est même pas du tout certain que vous l'obteniez. Vous voyez donc que vos preuves ne produiront pas les résultats que vous espérez, et j'ai la conviction que lors même qu'elles seraient éclatantes, Léon n'en poursuivrait pas moins ses sommations respectueuses, tant il est incapable de volonté entre les mains de Kara. N'oubliez pas que vous allez recevoir le troisième acte, et qu'un mois après il pourra se marier, à Paris, malgré vous, et légitimement. Pendant que Biasson parlait, M. Haupois d'Aguillon se promenait en long et en large avec tous les signes de l'impatience et de la colère. Pour Mme Haupois, elle écoutait attentivement, examinant Biasson. Comme son mari allait répondre, elle lui coupa la parole. « Mon cher Monsieur Biasson, dit-elle, vous ne nous parleriez pas ainsi si vous n'aviez pas un autre moyen à nous proposer. Vous auriez pitié de nos angoisses. Vous aviez dit que vous aviez du nouveau à nous annoncer. Qu'est-ce ? Je vous en prie, parlez. Madeleine est à Paris. Je l'ai vue hier. Et c'est par Madeleine seule que Léon peut être arraché des mains de Kara. Une femme seule sera assez forte pour délier ce qu'une femme a lié. Une influence salutaire détruira l'influence néfaste. Léon n'aime plus Madeleine puisqu'il a épousé cette coquine. Léon n'a aimé Kara que parce qu'il aimait Madeleine. Il a demandé à l'une de lui faire oublier l'autre. Après une longue séparation, sans avoir jamais entendu parler de Madeleine, sans savoir même si elle vivait encore, il a pu se laisser séduire par Kara. Mais le jour où Madeleine voudra reprendre son influence sur lui, elle la reprendra. J'ai pour garant de ce que je vous dis les paroles mêmes de Léon, quand il m'a affirmé qu'il n'avait pris une maîtresse que pour se consoler, mais qu'il n'oublierait jamais celle qu'il avait aimée, celle qu'il aimait toujours. M. Haupois laissa échapper un geste de mécontentement. « Où avez-vous vu Madeleine ? » demanda vivement Mme Haupois. Biasson aurait voulu ne pas répondre tout de suite à cette question, et c'était avec intention qu'il avait tout d'abord insisté sur l'influence décisive que Madeleine pouvait exercer, et aussi sur les sentiments que Léon éprouvait pour sa cousine. Mais devant l'interpellation de Mme Haupois, il eût été maladroit de vouloir s'échapper, et mieux valait encore aborder de front la difficulté. « Vous avez, dit-il, cherché toutes sortes d'explications au départ de Madeleine. Il n'y en avait qu'une. Madeleine était née artiste, elle voulait être artiste. C'est pour cela qu'elle a quitté votre maison, c'est pour se faire chanteuse. Elle a débuté hier à l'opéra avec un succès que les journaux sont unanimes ce matin à constater. Une grande artiste nous est née. » Comédienne ? Je sais tout ce que vous pourrez dire, mais je vous répondrai que Madeleine est devenue chanteuse comme Léon est devenu le mari de Kara. Chacun se console comme il peut. L'un demande sa consolation à une femme, l'autre au travail et à l'art. Enfin, Madeleine est chanteuse, et je l'ai retrouvée hier à l'opéra, chantant Ophélie avec le succès que je viens de vous dire. En la reconnaissant, car c'est en la voyant sur la scène que je l'ai reconnue, ma première pensée a été d'aller à elle pour lui demander si elle voulait sauver Léon. Heureusement, je me suis arrêtée en chemin. D'abord, il était sage de s'assurer si Madeleine était toujours Madeleine, et cette assurance, on me l'a donnée telle que je la pouvais désirer. Et puis, il était sage aussi de savoir si vous étiez disposé à accepter son concours et à le payer du prix qu'il mérite, au cas où elle vous rendrait votre fils. C'est ce que je viens vous demander, avant de voir Madeleine que je vais aller trouver en sortant d'ici. Si Madeleine vous rend Léon, puis-je, en votre nom, prendre l'engagement que vous consentirez à son mariage avec votre fils? Puis-je loyalement lui demander ce concours, sans lequel vous n'arriverez à rien de pratique, et qui seul peut empêcher Léon de persister dans la voie où Cara le pousse? « Mais, cher ami, s'écria M. Haupois, évidemment suffoqué. Une fois encore, la mère coupa la parole au père, la femme au mari. « Qui vous dit que Madeleine a éprouvé pour Léon les sentiments que vous croyez? Si cela a été, qui vous dit que cela est encore ?»« Rien, vous avez raison. J'ai toujours cru que Madeleine avait pour Léon autre chose que l'affection d'une cousine. J'ai cru aussi qu'elle avait quitté votre maison parce qu'elle ne voulait pas s'abandonner à un sentiment qu'elle savait n'être jamais approuvé par vous. Enfin, je crois que si, dans la carrière qu'elle a embrassée, elle a pu rester honnête, comme on me l'a dit, c'est parce qu'elle a été gardée par ce sentiment. Il est certain que je puis me tromper, je le reconnais. Mais il est certain aussi que si, contrairement à mon espérance, ce sentiment n'existe pas, et que si d'autre part vous n'acceptez pas Madeleine pour votre belle-fille, Léon, avant 2 mois, sera marié avec Cara par un mariage que ni les tribunaux civils ni les tribunaux ecclésiastiques ne pourront rompre. La question présentement se réduit à ceci. Qui préférez-vous pour belle-fille, de Cara ou de Madeleine? Décidez. Maintenant, laissez-moi vous répéter encore ce que je vous ai déjà dit. Léon ne consentira à voir l'épreuve dont vous attendez merveille que si Madeleine lui ôte le bandeau que Cara lui a mis sur les yeux. Essayez de vous servir de ces preuves avec un aveugle, et vous hâterez son mariage. Ce ne sera pas Cara qui l'accusera, ce sera vous. Je ne suis pas un grand maître dans les choses du cœur. Cependant, j'ai vu des gens possédés par la passion, et de ce que j'ai vu est résulté pour moi la conviction que quand une femme est parvenue à mettre des verres roses aux lunettes de l'homme qu'il aime, il n'y a qu'une autre femme qui peut changer ses verres. Celle-là les remplace avec une extrême facilité. Et de ce jour, ce qui était rose devient noir pour lui. C'est d'un autre côté qu'il voit rose. Je vous ai dit ce que ma conscience m'inspirait. Je vous adjure, en cette affaire, de ne voir que l'intérêt de votre fils et son avenir. N'oubliez pas que vous ne trouverez pas facilement une jeune fille qui voudra accepter pour mari l'homme veuf de Mademoiselle Hortense Binoche, dite Cara, laquelle ne sera pas morte. Je verrai Madeleine, dit M. Haupois. Mais Mme Haupois intervint de nouveau. Nous ne sommes pas en mesure de lever haut la tête. Pour moi, je suis accablée. Voyez Madeleine, mon cher Biasson, et dites-lui de ma part, de notre part, que nous n'aurons rien à refuser à celle qui nous aura rendu notre fils, si elle est digne de lui. Chapitre 3. Pour qui connaissait comme Biasson l'orgueil de monsieur et de madame Haupois d'Aguillon, c'était un point capital d'avoir obtenu qu'ils accepteraient Madeleine pour belle-fille si celle-ci leur rendait leur fils. Il s'était attendu à des luttes, et celle qu'il avait dû soutenir avait été beaucoup moins vive qu'il n'avait craint quand l'idée lui était venue de faire intervenir Madeleine pour l'opposer à Cara. Cependant, pour avoir réussi de ce côté, tout n'était pas dit. Maintenant, il fallait voir ce que Madeleine répondrait. Accepterait-elle le rôle qu'il lui destinait? Aimait-elle Léon? Voudrait-elle pour mari un homme qui avait pris Cara pour femme? Enfin, consentirait-elle à abandonner le théâtre? Toutes ces questions se pressaient dans son esprit pendant qu'il se rendait de la rue Royale à la rue de Châteaudun, et il était obligé de reconnaître qu'elles étaient graves, très graves. Au numéro 48, comme disait Tsadziga, le concierge à qui il s'adressa pour demander Mademoiselle Harold lui répondit de monter au 3e étage. Là, une femme de chambre à l'air discret et honnête lui ouvrit la porte et l'introduisit dans un petit salon très convenable qui n'avait que le défaut d'être beaucoup trop encombré. En le meublant, Tsadziga, qui avait fait pendant son absence gérer sa maison de commerce, avait profité de cette occasion pour vendre très cher à son élève une quantité de meubles dont celle-ci n'avait aucun besoin. Biasson n'eut pas longtemps à attendre. Presque aussitôt, Madeleine parut et vint à lui les deux mains tendues. « Cher monsieur Biasson, dit-elle de sa belle voix harmonieuse et tendre, combien je suis heureuse de vous voir et que je vous remercie de m'avoir fait passer votre carte hier. Me pardonnez-vous ma réponse ? Ce serait moi, ma chère enfant, qui devrais vous demander si vous me pardonnez ma visite. » J'étais si émue que je n'ai pu ajouter à cette émotion celle que votre visite m'aurait donnée. J'avais besoin de calme. Il me fallait aller jusqu'au bout sans défaillance, et j'avais peur de moi. C'est chose si terrible de paraître devant ce public indifférent qui, en quelques minutes, peut vous condamner à une mort honteuse. Mais ne parlons pas de cela. Votre triomphe a été splendide. J'ai été heureuse. Mais dites-moi, je vous prie, comment se porte mon oncle? Comment se porte ma tante? Ils vont bien, quoique depuis votre départ, ils aient été cruellement éprouvés. Quand vous les verrez, vous les trouverez bien vieillis. Votre oncle n'est plus le vieux beau qui montait si fièrement les Champs-Élysées, et votre tante n'a plus son activité d'autrefois. Mais vous ne me demandez pas de nouvelles de Léon ? Parlant ainsi, il l'avait regardée en face. Il vit qu'elle pâlissait. « J'ai lu les journaux, » dit-elle en baissant les yeux. « Ah, vous savez, je sais ce que les journaux ont rapporté de ce procès, qui, je le comprends, a dû causer de terribles chagrins à mon oncle et à ma tante. Et lui, je veux dire, Léon, comment a-t-il supporté cette crise ? Nous n'avons pas vu Léon depuis longtemps. Il a rompu toute relation avec nous, et ses amis ont rompu toute relation avec lui. Ah, pauvre Léon ! Que n'entend-il, cette parole de sympathie ? Elle lui serait douce. Il est malheureux ? Très malheureux, le plus malheureux homme du monde. Mon Dieu ! De nouveau, il la regarda. Elle paraissait profondément émue et troublée. Et cependant, elle n'était plus une enfant qui s'abandonne sans résistance à ses impressions. De grands changements s'étaient faits en elle. Elle avait pris de l'assurance dans le regard, de la liberté et de l'aisance dans ses attitudes. Sa voix avait de la fermeté, son geste de l'ampleur. La jeune fille était devenue une jeune femme. « Mon enfant, dit Biasson en lui prenant la main, je vais être sincère avec vous et tout vous apprendre. Léon est tombé sous l'influence d'une femme indigne de lui. Et comme il est tendre, comme il est bon, comme le bonheur pour lui consiste à rendre heureux ceux qu'il aime, il a été promptement dominé. Sa volonté a été annihilée, et si complètement que dans une heure de folie, n'ayant personne auprès de lui, seul en Amérique, il s'est laissé marier à cette femme. Comment cette folie a-t-elle été provoquée ? C'est là le point intéressant. Et je vous demande, mon enfant, de m'écouter avec la confiance que vous accorderiez à votre père, si vous l'aviez encore, comme un ami dévoué qui a toujours eu pour vous une ardente sympathie et qui vous aime de tout son cœur. » Sans répondre, elle lui serra la main dans une étreinte émue. « C'est non seulement de Léon que je dois parler, c'est encore de vous. C'est non seulement de ses sentiments, c'est encore des vôtres. Le sujet est difficile, délicat. Soyez indulgente, soyez patiente. Léon n'a pas pu vous voir sans vous aimer. Oh, monsieur Biasson, s'écria-t-elle en détournant la tête. Je vous ai demandé toute votre confiance et toute votre indulgence. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Il s'agit du bonheur, de l'honneur de Léon, de la vie de votre oncle et de votre tante. Lorsque Léon est revenu de Saint-Aubin avec vous, il s'est franchement ouvert à son père et à sa mère en leur disant qu'il désirait vous prendre pour femme. Monsieur et madame Aupois d'Aguillon ont refusé leur consentement à ce mariage par cette seule raison que vous n'aviez pas une qualité qui, pour eux, à cette époque, passait avant toutes les autres, la fortune. On a envoyé Léon en Espagne, et en son absence, à son insu, on a voulu vous faire épouser sa froid. C'est alors que vous avez quitté la maison de votre oncle, entraîné par votre vocation pour le théâtre, et dominé plus encore, n'est-ce pas, par l'horreur que vous inspirait un mariage qui vous blessait dans vos sentiments. Rassurez-vous, mon enfant, mon intention n'est pas de chercher à savoir quel était alors l'état de votre cœur. Lorsque Léon revint, il fut véritablement désespéré. Il vous chercha partout, à Paris, à Rouen, à Saint-Aubin, et de retour à Paris, il continua ses recherches. Si vous aviez pu voir alors quelle était sa douleur, vous seriez revenu. Le temps amena pour lui, comme pour nous tous, la conviction qu'on ne vous reverrait jamais. Ce fut alors que Léon fit la connaissance de cette femme. Comment se laissa-t-il prendre par elle? Je vais vous répéter les mots mêmes dont il s'est servi en me l'expliquant, et que je n'ai point oublié. Puisque ma famille m'empêchait d'épouser celle auprès de laquelle j'aurais vécu heureux, j'ai pris pour maîtresse une femme qui a été assez habile, non pour me faire oublier celle que j'ai aimée, que j'aime toujours, car rien n'effacera de mon cœur le souvenir de Madeleine, mais pour me consoler. Ainsi c'est la consolation, c'est l'oubli qu'il a cherché auprès de cette femme. Il y a trouvé la folie et la honte. Je vous ai dit qu'il s'était marié à New York. Je vous ai dit que ses parents avaient demandé la nullité de ce mariage, laquelle a été prononcée. Mais Léon, de plus en plus aveuglé, affolé, a fait faire les sommations respectueuses à son père. Et dans 2 mois, si d'ici là rien ne l'arrête, il va épouser cette femme par un mariage cette fois indissoluble. Mon enfant, voulez-vous l'arrêter? Voulez-vous le sauver? Moi? Vous seul le pouvez. Sans vous, il est perdu. Et ses parents, réduits au désespoir, meurent de chagrin et de honte, car cette femme est la plus misérable créature que la boue de Paris ait produite. Dites un mot. Il est au contraire sauvé, car il vous aime, je vous le répète. Il vous aime toujours. Et le mot que je vous demande, c'est votre consentement à devenir sa femme. Vous allez me répondre que ses parents n'ont pas voulu de vous il y a 3 ans, cher enfant, que leur orgueil a refusé ce mariage. Mais depuis, cet orgueil a été cruellement humilié. Ils ont, pendant ces 3 ans, durement expié leur faute, et aujourd'hui c'est en leur nom que je parle. Voulez-vous accepter Léon pour votre mari? Je vous l'ai déjà dit, laissez-moi vous le répéter. C'est son honneur qui est en jeu, c'est sa vie, et c'est celle de ses parents. Biasson se tut, mais au lieu de répondre, Madeleine ne balbutia que quelques paroles à peu près inintelligibles. Alors il reprit. Je comprends votre trouble, mon enfant. Vos inquiétudes, vos angoisses, vos doutes, je les sens. J'admettrai bien qu'avant de me répondre, vous vous demandiez si celui que je vous propose pour mari est toujours digne de vous. Jamais craintes n'ont été mieux justifiées que les vôtres. Avant de vous engager, vous avez raison de vouloir voir. Je serai le premier à vous donner ce conseil. Aussi n'est-ce point un engagement immédiat et définitif que j'attends de vous. Ce n'est pas le oui sacramentel qu'on prononce à la mairie. C'est seulement, et pour le moment, votre aide et votre concours. Voyez Léon, voyez-le, sachant à l'avance le danger qu'il court et comment il peut être sauvé. Puis ensuite vous déciderez dans votre conscience et dans votre cœur, mon enfant. Mais je ne suis pas libre. Ce mot abattit instantanément toutes les combinaisons de Biasson. Votre cœur, dit-il. Ce n'est pas de mon cœur que je parle, répondit-elle avec un sourire désolé. C'est de ma vie qui ne m'appartient pas, et qui, pour 9 années encore, est à celui qui a payé mon éducation musicale. Biasson respira. Ah, si ce n'est que cela qui vous retient, dit-il gaiement, quittez ce souci. Ce contrat qui vous lie à votre entrepreneur se déliera avec de l'argent. Et il est juste que mes amis, qui n'ont pas voulu de vous parce que vous n'aviez pas d'argent, soient, en fin de compte, punis par l'argent. Mais j'appartiens au théâtre. Si lorsque j'ai embrassé cette carrière, je n'étais pas poussée par une irrésistible vocation, cette vocation est venue. Je suis une artiste. J'aime mon art. Ah, je sais que c'est un sacrifice que je vous demande. Et je ne viens pas vous éblouir de la fortune que vous trouverez dans ce mariage. C'est le langage du sentiment et du cœur que je vous parle, celui-là seul et non un autre. Avez-vous, je ne dirai pas, de l'amour pour Léon. Ce n'est pas moi qui peux vous poser une pareille question. Je vous dis, avez-vous eu de l'affection, de la tendresse pour votre cousin? Cette affection, cette tendresse, existe-t-elle encore? Si oui, ayez pitié de lui, ma chère fille. Tendez-lui la main. Accomplissez un miracle dont seul vous êtes capable. Sauvez-le. Madeleine resta pendant quelques minutes sans répondre, suivant sa pensée intérieure, le cœur serré, ne respirant pas. Tout à coup, elle se leva et passa dans la pièce d'où elle était sortie quand Biasson avait été introduit dans le salon. Elle resta peu de temps absente. Quand elle reparut, elle avait un chapeau sur la tête et un manteau sur les épaules. « Voulez-vous me conduire chez mon oncle ? » dit-elle.